L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les porte-paroles de LIGO et Virgo ont profité de la 228e réunion de l'American Astronomical Society, qui se déroule toute la semaine à San Diego, en Californie, pour annoncer dans une conférence de presse la détection d'un nouvel événement de fusion de deux trous noirs par la détection d'ondes gravitationnelles. L'événement a été détecté le 26 décembre 2015 et porte donc le nom GW151226. La forme des ondes détectées est assez différente des premières qui avaient été annoncées en février dernier. Le signal correspondant à la phase finale du rapprochement de deux trous noirs puis de leur fusion est ici suivi sur une durée plus longue. La masse de chacun des deux trous noirs a pu être estimée 14,2 et 7,5 masses solaires, avec des incertitudes assez importantes de plusieurs masses solaires. Et la masse du trou noir résultant, après cette fusion, vaut 20,8 masses solaires. L'énergie gravitationnelle émise durant cette fusion est donc égale à une masse solaire. On se souvient que le premier événement gravitationnel détecté correspondait à des trous noirs plus massifs et une perte de masse sous forme d'énergie gravitationnelle de 3 masses solaires. La distance de ce nouvel événement gravitationnel est de 1,4 milliard d'années-lumière, une distance assez similaire au cas de GW150914. Les chercheurs de LIGO et Virgo parviennent également, à partir des données obtenues, à déterminer qu'au moins l'un des deux trous noirs était en rotation, avec un spin de 0,2. Ils publient aujourd'hui leur découverte dans la revue Physical Review Letters. Et ce n'est pas tout. Car au cours de cette présentation, le responsable scientifique de la collaboration a évoqué un troisième événement qui restera par contre défini comme un candidat, et non comme une découverte, car son rapport signal sur bruit n'est pas assez élevé pour déterminer avec certitude sa véritable nature. Mais il est considéré comme très probable qu'il s'agisse là encore de la fusion d'un couple de trous noirs ayant mené à un trou noir final de 35 masses solaires. Cet événement candidat a été détecté en octobre 2015. À partir de ces premières détections, les chercheurs peuvent maintenant estimer un peu plus clairement quelle devrait être la fréquence à laquelle des événements de ce genre seront détectés par LIGO et les autres interféromètres de même classe. Environ un par mois. Ah oui, l'astronomie gravitationnelle est en train de décoller. L'article de la collaboration LIGO et Virgo donc, est paru dans Physical Review Letters numéro 116, en date du 15 juin 2016, et il a pour titre GW151226 Observation of Gravitational Waves from a 22 Solar Mass Binary Black Hole Coalescence. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. N'oubliez pas, le blog où l'univers des ondes gravitationnelles se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, comme toujours, sur iTunes et sur podcloud.fr, bien sûr. N'hésitez pas à vous y abonner, car c'est gratuit, bien sûr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut, bon ciel !